Bon matin. C'est Rémi qui l'a mis? Il est frais, c'est bon. Ben, j'ai regardé, il n'y avait rien qui flottait dessus. Espérons que ça marche. Bon. Dimanche passé, c'est Philippe qui devait amener la parole, mais on a manqué d'électricité, fait qu'on n'a pas eu de culte. Fait que ce matin, Philippe et toute la famille Rousseau, en fait, sont en une retraite dans un chalet quelque part dans les Laurentides, je pense. Ouais. Puis je devais être avec eux autres, mais finalement, j'ai changé d'idée. Puis parce que je produis plus quand je suis seul chez nous que quand il y a bien du monde. Fait que j'ai fait plein de travaux là, que quand ils vont revenir, Nathalie va être bien contente. Mais j'aurais pas pu les faire s'il avait été là. Fait que donc j'ai fait ça. Mais en même temps, ben aujourd'hui, on va faire le texte que Philippe aurait dû faire la semaine passée. Puis la semaine prochaine, on verra ce qui va faire le texte que moi j'étais supposé de faire un matin. Fait que on est dans Matthieu. Matthieu 27. Le texte qu'on va couvrir, c'est 32 à 50. Donc, le moment de la crucifixion. Dans les chapitres précédents, c'est-à-dire 24-25, on avait vu que Jésus donne ses instructions finales à ses disciples. Puis, quand on a commencé 26 et on a fait une partie de 27, ce qu'on a vu, c'est l'arrestation, le procès, puis la condamnation de Jésus. Et on va partir de là. Ce qu'on doit se rappeler tout le long de Matthieu, tout le long de l'Évangile, en fait, peu importe la lecture qu'on va faire dans la Bible, dans l'Ancien Testament jusqu'à Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, c'est que Dieu a un plan. Son plan, c'est Jésus. Et son plan s'accomplit depuis le premier jour jusqu'à la fin. Jésus, il a marché sur la terre pour accomplir la justice de son Père. Il faut s'en rappeler. Puis mourir à la croix, c'était l'accomplissement de la justice de Dieu. L'agneau de Dieu, l'agneau qui est venu de Dieu pour enlever le péché du monde. C'est ça qui se passe. Et là, on est à la croix, là, et c'est le moment. Tout ce que l'Ancien Testament, tout ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, c'est le moment de la crucifixion. Tout ça règle notre malheur. Rétablit la justice de Dieu. Au chapitre 28, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la résurrection de Jésus, puis après sa résurrection, ses instructions finales. On va regarder comment ça s'est passé. Mais là, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder le texte en question, Matthieu 27, 32 à 50. Mais comme j'aime le faire, je ne vais pas juste lire Matthieu. C'est comme il manque trop d'informations. Fait que là, je sais que vous avez de la misère à suivre des fois. Fait que là, il va être à l'écran. OK? C'est les quatre évangiles. Non, je rephrase. C'est l'évangile selon les quatre textes qu'on a, parce que c'est le même évangile. Parce qu'on oublie ça des fois, là. C'est pas quatre évangiles, c'est un évangile, c'est une bonne nouvelle racontée par quatre différentes personnes. Fait que, vous voyez, il y a quatre couleurs. C'est pour vous aider à suivre, OK? Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les bouts de texte puis je les ai mis en chronologie. Ça vous va? Puis, en fait, petit encouragement, comme je le dis à chaque fois, c'est ça, les Écritures, la beauté, hein, c'est que si je fais juste lire un passage de temps en temps au hasard, là, parce qu'il y en a qui trouvent ça bien, ils rouvrent la Bible de temps en temps, puis tombent sur un texte, puis là, ils donnent l'interprétation du moment. Mais c'est pas comme ça qu'il faut lire les Écritures. Un texte, il veut dire quelque chose. Dans Matthieu, il pointe sur quelque chose. Dans Jean, il pointe sur quelque chose d'autre. Dans Luc, il pointe sur quelque chose d'autre. Mais quand on met tous les détails ensemble, on a la vraie image. Hein? C'est comme si je prends une canette de liqueur. D'un bord, tu as de l'information. De l'autre bord, tu as d'autres informations. Si je la regarde par-dessus, tu vois le bouchon. Si je la regarde par-en-dessous, je vois juste un rond aluminium. OK? Si je veux avoir l'information complète, il faut que je regarde toute la canette. Est-ce que ça va tout le monde? Bon, ben ici, c'est pareil. Si je veux avoir l'histoire, je la lis au complet. Alors, moi, je ne vais pas me retourner. Fait que Jean-François, ton défi, c'est de me suivre. Fait que, on a les quatre évangiles. Excusez, je rephrase. On a les quatre textes concernant l'évangile de Jésus-Christ. Et vous avez les passages. Fait que là, nous, on est dans Matthieu 27, 32 à 50. Fait que c'est peut-être pas mauvais que vous restiez dans Matthieu. Mais il y a des petits bouts, vous allez dire, c'est quoi qui parle? Ben, regardez l'écran. OK, ça va? Là, il y a vert. Est-ce que vous voyez le vert? Non, mais c'est bon, c'est parce qu'il va y avoir du vert. Si vous ne le voyez pas là, on va fermer les lumières. C'est juste ce que je veux dire. OK. Juste peut-être... Ouais, il y a deux... quand on lit le texte, là, il y a deux choses que je veux pointer dans le texte. On va le lire. Essayez de le garder en tête, parce qu'après, quand on va en parler, c'est bon que vous l'aurez... Parce que quand on a fini là, vous ne l'aurez plus, là. Hein? OK? C'est le focus de Jésus, ce qui le motive. On en a parlé déjà, là. OK? Jésus, là, il sait c'est qui qu'il est. Il sait qui il est. Il sait... C'est le sujet de l'autre bord, matin, hein, dans l'autre salle, là. Jésus, il sait exactement qui il est. Il connaît son Père, puis il a... confiance en son Père. Il a une pleine assurance de qui il est et pourquoi il est là. Il ne doute pas de ça. OK? Ça, c'est numéro un. Et il a une pleine assurance dans les choses présentes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de vivre, puis dans les choses à venir, les promesses de Dieu. Là, il faut le transposer à nous autres, là. C'est parce qu'on vit des affaires. T'sais? Mais est-ce que j'ai une pleine assurance de qui je suis en Dieu? Dans ce que je suis en train de vivre, puisque j'ai une pleine assurance des choses qui vont venir après. Ça drive tout, là, excusez-moi, ça anime toute ma pensée dans mon affliction présente, si je sais qui je suis et où je m'en vais. Est-ce que ça va? Sinon, là, je perds le focus, puis là, je me laisse écraser. C'est douloureux, et là, je me plains, je crains, je doute, je rumine, je chiale. Ça va? Je sais que vous ne faites pas ça, là, mais c'est juste que des fois, vous rencontrez des gens qui vivent ça, ça va vous aider à les comprendre. Okay. Alors, les deux motivations de Jésus, là, c'est la gloire de son Père tout le temps. Son témoignage, c'est la gloire de son Père. Puis la deuxième, c'est la délivrance que son Père va lui apporter. OK? Il sait qui il est, puis il sait où il s'en va. Son focus, c'est d'honorer Dieu, c'est son témoignage. Hein? Il faut se poser la question, nous aussi, dans la douleur, qu'est-ce qui m'importe de sortir de la douleur, que ça se règle à ma façon, ou de glorifier Dieu dans mon affliction? Qu'est-ce qui m'intéresse? D'avoir la bonne attitude malgré la souffrance, malgré la misère, ou de sortir de la misère? Et est-ce que je m'attends à la délivrance de Dieu? Jésus va mourir, là. La délivrance, c'est pas ça, là. Est-ce que vous me suivez, Simon? Il va mourir. Quand on prie Dieu, tu sais, quand on prie quelqu'un est malade, quelque chose comme ça, on prie pour la guérison, puis là, on s'attend à une guérison. Mais je pense qu'il faut demander la sagesse de Dieu. C'est qu'est-ce qui est le plus important? C'est-tu la guérison physique ou l'assurance de ce qui vient après pour cette personne-là ou pour moi-même? Parce que Dieu va faire ce qu'il veut, puis il va se glorifier dans ce qu'il va faire. OK, on lit. Gardez ça en tête, là. Juste, faut pas que je m'égare, là. Bon, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on arrive à Matthieu, je pense. Mais c'est le même texte. Si vous prenez Matthieu, là. « Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs, et ils le forcèrent à porter la croix derrière Jésus. » Ils conduisirent Jésus au lieu en hébreu, nommé en hébreu Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Il, Jésus, était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Fait que, imaginez-vous, là, lui, c'est lui la victime. C'est lui qui va à la croix. Lui, là, il n'a pas été surpris. Là. On a tous vu ça, hein, là, Matthieu. Jésus est en total contrôle des événements. Quand ils ont voulu saisir de lui, ils n'ont pas été capables. Maintenant qu'ils ne veulent pas et qu'ils ne voulaient pas rien faire pendant la Pâque pour ne pas faire de bruit, là, ils sont pognés. Parce qu'il s'est rendu. Fait que là, ils l'ont. Okay? Fait que lui est en total contrôle. Mais les gens autour de lui sont en contrôle. Ceux qui l'aiment, est-ce qu'ils ont la même confiance? Est-ce qu'ils comprennent le plan? Ceux qui l'haïssent, est-ce qu'ils comprennent? Non, OK. Fait que Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Malheur des malheurs, qu'est-ce qui vient d'arriver? Notre Messie qui va mourir. Voyons donc. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. » Le focus, là, aujourd'hui, on pourrait parler de plein d'affaires. Le focus, c'est Jésus. Il dit, « Pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Car voici, les jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Lui, il sait où est-ce qu'il s'en va. Mais il sait aussi ce qui va se passer après son départ. Qu'est-ce qui va arriver à tous ses disciples, à tous ceux qui vont croire. Mais en fait, qu'est-ce qui va arriver à l'humanité? Ça ne va pas aller de mieux en mieux, ça va aller de pis en pis. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous au jour du jugement de Dieu sur la terre. » Ça va être comme ça. « Car si l'on fait ces choses au bois vert, c'est-à-dire vivant, qu'arrivera-t-il au bois sec, c'est-à-dire mort? » Si on fait ça à Jésus-Christ, si on fait ça aux disciples de Jésus, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à ceux qui rejettent Dieu? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. C'était la troisième heure, ça veut dire 9 heures du matin, quand ils le crucifièrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, Pilate fit une inscription qu'il plaça au-dessus de la tête de sa tête sur la croix, donc Jésus, et qui était ainsi conçue. « Celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » Pilate, là, il l'a reconnu, lui. En plus, il l'a écrit. En plus, là, on lui a fait peur à Pilate. On lui avait dit, quand les Juifs voulaient le faire condamner, on lui a dit, « Si tu n'agis pas contre lui qui se proclame roi, ben, il va falloir que tu rendes des comptes à César. » OK? Fait que là, il a comme plié sous la pression. Mais ici, à la croix, il se reprend. D'une certaine façon, on peut le voir comme ça. Et il met sur la croix l'insigne. « Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. » Donc, c'était pas trop loin. Et l'inscription était en hébreu, en grec et en latin. Y a-t-il quelqu'un qui pouvait la manquer? Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris ce qu'il a dit. Je suis roi des Juifs. » Ce qu'il voulait, c'est que, vu que c'est écrit par Pilate, c'est une déclaration formelle. S'il avait écrit que lui a dit, « Je suis roi des Juifs », ça aurait été remis sur lui comme l'accusation. Mais ici, c'est Pilate qui déclare qu'il est roi des Juifs. Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, « je l'ai écrit. » Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et le point ici qui est important dans Matthieu, c'est que Matthieu nous rappelle toujours dans l'Ancien Testament. Matthieu, son objectif spécifique, Dieu au travers de Matthieu, l'objectif spécifique, c'est de convaincre les Juifs que Jésus est le Messie qui est promis dans les Écritures, celles qu'ils chérissent. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, encore une fois. « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Puis, ils s'assirent et le gardèrent. Les soldats ont fait leur job. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » On prend ses paroles, puis on lui retourne. Mais hors contexte, en l'accusant. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquèrent entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, Je suis le Fils de Dieu. On prend ses paroles, on les lui retourne. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. OK. OK, c'est beau. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » OK. C'est bon. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Est-ce que ce malfaiteur-là, il croyait en Jésus? Là, il croyait? OK. Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » C'est intéressant parce que ceux qui suivaient Jésus sont tous dispersés. Hein? Les femmes se tiennent à distance et elles pleurent, se frappent la poitrine, ne comprennent pas ce qui arrive. Les soldats, eux autres, font leur job. Les juifs, les chefs juifs, eux autres, le ridiculisent. Sur la croix, il y a deux bandits, deux brigands. Et au début, les deux l'insultent, mais après, il y en a un qui change de trac. C'est intéressant. Et il déclare, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Et là, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, « voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus, il parle-tu beaucoup? Tout le texte, il est long, là. Il y a plusieurs, si je mets les quatre ensemble, il y en a du stock, là, on pourrait parler de bien des affaires. Mais ici, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe autour, comment les gens y sont, comment ils réagissent. Puis lui, qu'est-ce qu'il dit? Pas beaucoup de choses, je vais revenir là-dessus. Il était déjà environ la sixième heure, donc ça fait 3 heures que ces choses-là se passent, donc autour de midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Pendant 3 heures, ça va être les ténèbres. Pourquoi? On a vu ça de l'autre bord ce matin, là. J'entends pas. Oui. C'est intéressant, OK, fait que là, au niveau créatif, là. Genèse chapitre 1, la première chose qui est créée, c'est quoi? La lumière. La lumière. Quelle lumière? Le soleil, la lune, les astres? Non. Quelle lumière? Jésus, la lumière incarnée dans le monde, dans la création. Vous allez lire le Proverbe 8, OK, où est-ce qu'il parle de la sagesse de Dieu? Il parle de la même affaire, OK? Jean chapitre 1, il va parler de la même affaire. Et quand il parle de cette lumière-là, il dit, « Cette lumière-là, elle est venue dans le monde. » Mais à la croix, là, Jésus, c'est Dieu, OK? On se comprend? La lumière du monde, c'est Jésus, Fils de Dieu. À la croix, de la sixième heure à la neuvième heure, Jésus a sur lui tous nos péchés, et Dieu ne se tient pas dans la présence du péché. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne le regard. Et c'est comme si la lumière du monde... Et là, Jésus, 100% homme, il va dire à Dieu, « Pourquoi tu m'as abandonné? » Ben, il sait pourquoi, mais on n'aime pas ça, mais quand on sait. Hein? Et de la sixième heure à la neuvième heure, c'est les ténèbres. Il a sur lui toutes nos fautes. Et à la neuvième heure, 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi » ou « Eli » dans d'autres versions, « Lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais c'est comme s'il revenait. Il a été abandonné, mais là, il revient. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Eli. » Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vin mêlé de miel. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, il l'approcha de sa bouche en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Ils lui donnèrent à boire, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Parce que dans ça, il y a quelque chose qui fait comme ça engourdit, ça comme allège tes douleurs. Jésus ne voulait pas ça. Il est venu pour prendre toutes nos misères. Et il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce que tout est accompli? Tout est accompli de ce qu'il a été dit à propos de lui qu'il ferait. Il a tout fait religieusement. Rigoureusement, c'est peut-être un meilleur mot. Parce que religieux, ça veut dire je fais tout là, mais rigoureux, c'est un mot plus adéquat. Okay? Il a tout fait, il a tout accompli. Et ça, c'est le focus de Matthieu, en gros. C'est vraiment que Jésus est l'accomplissement de tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Le ciel s'obscurcit. Le voile du temple se déchira en deux par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, en même temps, au moment où il dit ces paroles, il est en train de dire, « Je remets mon esprit entre tes mains. » C'est vraiment ça qui se passe. Et il crie à voix forte, parce qu'il s'en va. Quand tu es en train de mourir, là, c'est rare les personnes qui sont en train de mourir, là, sur le dernier souffle, ils vont crier. C'est pas ce qu'ils font. Okay? Mais lui, il le fait. Il est entièrement en contrôle. Il décide. Je le fais. Il le déclare avec force. Et en disant ces paroles, il baissa la tête et expira. Il faut voir ça dans un mouvement. Là. OK? C'est comme si vous pouvez sentir son esprit quitter son corps. C'est ce qu'il est en train de faire. Il le dit, il le déclare et le fait. Il n'est pas mort de ses blessures. Parce qu'on va lire la suite la semaine prochaine. Il faut arrêter quelque part. Non, mais le focus ici est sur lui, OK? Fait, comme j'ai dit au début, ce qu'on veut regarder ici, c'est ce qui motive Jésus. Pendant que tout ça se passe, ça doit se passer parce que c'est écrit que ça doit se passer et ça se passe. En même temps, là, tous les humains, regardez-le sur tous les angles, là, ceux qui l'aimaient, ceux qui marchent avec, ceux qui ne le connaissaient même pas, qui ont déjà entendu parler de lui, ceux qui le connaissaient parce qu'ils ont eu affaire avec lui dans certaines situations, ceux qui le connaissaient au point de l'haïr sont tous là à la croix. Là. OK? Il a tout fait. Pourquoi Jésus ne dit rien? Pourquoi presque rien? Parce que ce qui l'intéresse, c'est la gloire de son Père. Il est en train de faire exactement ce que son Père lui a demandé. Et ça, c'est crucial dans le salut de l'humanité. Il n'est pas en train de regarder sa douleur du moment présent, il est en train de regarder l'éternité. Dans l'éternité, là, quand tout va être réglé, les saints et bien-aimés de Dieu vont être un. Jean chapitre 17, on va tout être un. Comme un seul homme, dans la même pensée, les mêmes sentiments, tout ça, là, tout ce qu'on était exhorté à faire dans les Épîtres, là, ça va être vrai. On va tous être ensemble, tous ceux qui ont cru en lui, qui ont marché avec lui, qui se sont laissés guider par lui, peu importe nos défauts, là, peu importe nos misères. On est maladroit, on continue à faire des conneries, là, excusez-moi un autre mot, là, on fait des imbécilités, on continue. Mais l'éternité nous attend parce que Dieu nous voit parfaits. C'est réglé, pas à cause de nous, à cause de lui. C'est ça qu'il regarde, lui. Ce qu'il est en train de faire nous garantit ça. Fait que la première motivation, c'est la gloire de son Père. Jésus, bien qu'il est entouré de gens, qui va être suivi par des foules, humainement parlant, là, il est tout seul. Il est le seul qui comprend ce qui se passe, du début jusqu'à la fin. Ses parents ne comprennent pas, les gens autour de lui ne comprennent pas, ses disciples sont tout le temps... ébahis ou surpris ou dérangés, en train de questionner, ils ne comprennent pas les affaires. Il y a de l'opposition depuis le premier jour où il a ouvert la parole dans Luc chapitre 2, dans la synagogue à Capernaum, okay? Quand il rouvre la parole, ils veulent le jeter en bas de la falaise. Il est toujours contesté. On lui tend des pièges. Plusieurs fois, on a voulu le faire mourir. Lui, il est volontaire Hébreux chapitre 10 nous ramène, j'ai oublié où, dans l'Ancien Testament, où il dit, avant la création, tu n'as pas voulu d'autre sacrifice que le mien. Okay? Je viens faire ta volonté. C'est moi, je viens. Okay? Fait que, il est volontaire, il est résolu, il ne bronche pas. Quand on le frappe, toutes ces affaires-là. Et ce serait intéressant, on va aller lire psaume 22. Okay? Ça vaut la peine de le regarder. On lit souvent Ésaïe 53, hein, quand on veut parler de la crucifixion, tout ça. Là. Mais psaume 22, quand même. On va le lire en deux bouts. Là. Psaume 22. Au chef de cœur, sur la mélodie de Biche de l'Aurore, psaume de David. David, là, c'est quand même un petit bout avant Jésus. Là. Tout le monde est là, là? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes pendant 3 heures? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. C'est David qui est en train d'exprimer quelque chose à Dieu. Mais dans ce qu'il exprime à Dieu, Jésus parle aussi. Fait que c'est pas toujours des paroles de Jésus, mais Jésus parle au travers de ça. Mais moi, mettez-vous sur la croix, là. Je suis un ver et non un homme. Je suppose que vous avez déjà été à la pêche, là. Mais un ver, c'est comme mou, là, puis ça te glisse entre les doigts, là. T'as de la misère à le tenir pour l'accrocher. Je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité. Tout le monde l'insulte, on crache dessus, on le frappe, on le traite de toutes sortes d'affaires. Celui que le peuple méprise est... Si vous avez vu un film sur la crucifixion de Jésus, vous savez de quoi on parle ici. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi. C'est pas des animaux gentils et doux, là. Hein? Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Il vient d'être fouetté. Hein? Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule. Et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Il va dire, j'ai soif. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est pas arrivé à David, là. Puis la crucifixion n'existait pas au temps de David. Fait que la description qu'il fait là, c'est vraiment prophétique. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force. Viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du bœuf. On va arrêter là. On va citer les Écritures contre lui, hein. Qu'il le délivre. Tu sais, imaginez-vous, là, écoute, ben, je sais pas, Omar, je connais, tu sais, des fois il est patient, des fois il l'est pas. Bon, moi, des fois je suis patient, des fois je ne suis pas. J'ai jamais vu Gilles fâché, mais je suis sûr que ça doit se passer. J'ai déjà vu Omar fâché, je me suis déjà fâché, j'ai déjà vu Christian fâché, j'ai jamais vu Gilles fâché. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais Jésus, c'est pas fâché. Il n'a pas dit rien. Imaginez-vous, là, que vous avez la puissance avec tes... là, on l'a des fois, là, tu sais, je sais que, écoute, là, si tu m'écœures encore un peu, là, moi, te régler ton problème. Non, mais lui, c'est Dieu. Pendant qu'il est sur la croix, en train de se faire injurier, là, il tient l'univers dans sa main. Il faut le faire en même temps, là. Il faut pas que je cligne des yeux, là. C'est parce que je vais échapper quelque chose. Il est 100% Dieu en même temps qu'il est là, là. Okay? Il tient tout ça dans sa main et il ne se fâche pas. Non, il ne tombe pas dans le piège. Alors nous, on est-tu capable de ne pas se fâcher? Non, mais c'est ça le modèle à suivre. Hein? T'imagines, tu avais dit, tu veux que je descende? Vraiment? T'es sûr? Non. Il est là pour ça, pour recevoir les injures. Il est là pour être crucifié. Alors, il se concentre sur ce qu'il a à faire. On est ici, nous, comme témoins de Christ. Est-ce qu'on se concentre là-dessus? Jésus réserve la gloire à son Père. C'est lui qui va être glorifié quand Jésus va ressusciter. C'est lui qui va être glorifié dans nos vies. C'est Dieu qui va être glorifié quand Jésus va revenir. Tout est pour la gloire de Dieu. Oui. Tu veux-tu parler plus fort un petit peu? Je peux parler plus fort. Oui, s'il te plaît, merci. Détruisez ce temple en parlant de lui, et eux sont insultés parce qu'ils pensent qu'ils parlent de leur temple. C'est mentionné dans le chant qui parle de ce temple. C'est ça. Ouais. Eux autres ne le savent pas, mais Dieu le sait. Ouais. C'est ça. Et pourquoi c'est important que ça soit fait? Parce que quand Jésus va ressusciter, OK, il va les visiter, ils vont croire, ils n'ont pas le choix, là, ceux qui vont voir, 500 témoins qui vont le voir, OK, ils vont croire. Mais il dit que quand, 50 jours plus tard, il va leur envoyer le Consolateur, hein, à la Pentecôte, et le Consolateur va vous rappeler tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, puis il va vous enseigner d'autres affaires, OK? Fait que tout ce qui était dit à la croix, là, Jésus, là, quand il reçoit les insultes, là, il sait ça. C'est important. C'est important. Tous les détails sont importants. Alors, il ne va pas se fâcher. C'est en train de se passer exactement comme ça doit se passer. Est-ce que vous me suivez? Puis la deuxième motivation, c'est parce qu'elle est très fondamentale et très personnelle. Si Dieu ne tient pas sa promesse envers Jésus, c'est foutu. C'est foutu pour lui, puis c'est foutu pour nous. À la croix, là, ça ne relève plus de Jésus, homme, là. Ça relève de Dieu. C'est ce qui se passe, là, il est crucifié, là, ce qui se passe là, là. Si Dieu se retire totalement, là, il se retire pendant 3 heures. Là, okay? Mais s'il ne revient pas, là, c'est foutu. Là. Nous, on est des imbéciles. Là. Tout ce qu'on a cru, c'est pour rien. Est-ce que vous me suivez? Alors Jésus, lui, c'est la délivrance de son Père. Pas juste pour lui, pour nous. Il n'a quasiment rien dit à la croix. Tu veux-tu la mettre la prochaine? C'est tout ce qu'il a dit. Je te le dis en vérité, il répond à qui? Le brigand lui parle. Il lui répond. Hein? Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À sa mère, il s'en va là. Hein? Femme, c'est intéressant comment il parle à sa mère. Je ne sais pas si j'avais dit ça à ma mère une fois. Femme? J'ai jamais essayé ça avec Danny non plus. Oh, oh. Il y en a essayé d'autres, mais pas celle-là. Ah, oh boy. Je touche pas à ça, moi. Femme, voilà ton fils. C'est parce que le Jésus-homme, c'est fini, là. C'est Dieu maintenant. C'est Jésus, fils de Dieu. OK? Puis il dit à son disciple, Jean, voici ta mère. Hey, c'est pas des longues explications, là. Puis qu'est-ce qu'il va faire, Jean, vous en rappelez-vous? Puis elle va le suivre. Il va crier « Élie, Élie », OK, on va dire en français, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça, c'est au moment des ténèbres et tout, là. Puis après, il va dire « J'ai soif », puis tout est accompli. Dernière phrase qu'il va dire, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et quand il le dit en criant, tu peux pas être plus volontaire que ça, en criant et en le disant, il expire. Il a l'autorité. Ah, c'était dit avant. J'ai sauté celle-là? Oui, c'est vrai. Il m'en manque un. OK, fait que c'est bon. Il m'en manque un. OK? Ça, ça devait être 1h30 du matin, à peu près, là. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Parle à son père. Couple de fois, il parle à ceux qui l'adressent, il parle à sa mère. Juste finir le psaume 22. Je t'ai rendu au verset 29. Excuse-moi, 20, je t'ai rendu à 22. Et là, il dit, la fin de 22, il dit, « Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du bœuf. Tu m'as répondu. » J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ça, c'est oui, mais c'est la même personne. OK? Oui, c'est nous, j'espère. Parce que c'est ça, la transposition. Jésus, c'est le modèle, c'est le maître. C'est à lui qu'on regarde, mais c'est lui qu'on imite. Mais pas juste imiter, là, comme une fausse copie. C'est en dedans que ça se passe. En fait, je peux pas par moi-même faire ça. Si je ne reçois pas Christ comme Seigneur de ma vie, si je lui dis pas « tu es le Seigneur de ma vie, tu peux faire ce que tu veux, même si je ne suis pas d'accord, là, tu le fais pareil, parce que c'est toi, puis tu as ma bénédiction, gros. » Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. Israël, ici, là, c'est Abraham et tous ceux qui ont la foi d'Abraham. C'est de ce Israël-là qu'on parle ici. Là. Oui, dans l'Ancien Testament, quand David le dit, il parle d'Israël, parce que c'est le peuple de Dieu. Mais nous, quand on lit dans le Nouveau Testament, Israël, c'est tous ceux qui sont circoncis de cœur. Pas dans la chair, mais de cœur. Romains, j'ai oublié quel passage, là. OK. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Et Jésus a crié à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Quel vœu on a fait à notre baptême? Hein, soyez plus précis. On va marcher avec une bonne conscience devant Dieu. C'est ça? Ça veut dire que je mets tout en lumière devant Dieu et je veux faire ça. Je m'engage devant vous à marcher comme le Seigneur le demande. Et votre engagement envers moi, c'est de me reprendre quand je tombe. C'est ça? OK, donc il dit, « J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. » Ben, ici, qu'est-ce qu'on fait là? Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Pourquoi ils vont le célébrer? Parce qu'il se laisse trouver et il agit dans nos vies. C'est concret. Que votre cœur vive à perpétuité. Amen. C'est ça qu'on a, non? Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Ça, c'est encore à venir. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. C'est encore à venir. Car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine, ça c'est un fait, il a toujours dominé sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Vient un jour où tout homme, tout genou, fléchira devant l'Éternel. Toute langue confessera le nom de Jésus. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. C'est ça que Jésus, à la croix, est en train de vivre. Ça, c'est en lui, c'est lui. Il ne peut pas faire autrement. Il ne veut pas faire autrement. Est-ce que vous me suivez? Jésus, il ne voit pas sa souffrance comme quelque chose qui n'en sortira pas, là. Il espère le résultat de sa souffrance. Sa souffrance apporte une grande guérison. C'est ça qu'il espère. J'espère que c'est la même chose que chacun de nous, on a. On est co-héritier avec lui. Hein? On est co-héritier avec lui. Nous qui souffrons avec lui. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bon, on n'est pas appelé à être masochiste ici, non? C'est pas ça le sujet. C'est que si, comme Jésus, je suis vraiment interpellé par la gloire de Dieu, c'est ça le désir de mon âme, ça va paraître dans la façon dont je vis, et comme la vie de Jésus a dérangé tous ceux qui vivaient avec lui, ma vie devrait déranger certaines personnes autour de moi, parce que je ne vais pas me conformer à ce qu'ils demandent de moi ou s'attendent de moi. Je vais essayer, je vais faire ce que je peux. En fait, je vais laisser Dieu me transformer et ça va déplaire à certaines personnes, dans certaines circonstances. Mais mon but, ce n'est pas de déplaire. Le fait est que le fait de vouloir marcher comme le Seigneur va amener de la confrontation. Je ne veux pas y aller, là, mais vous irez lire Éphésiens chapitre 1. C'est tellement le résumé de ce que je suis en train de dire. Là. Jésus, il met toute sa confiance dans son Père à la croix. Parce qu'en même temps, il est 100% homme. Il pourrait craindre, il pourrait douter. Vous vous rappelez au jardin, là, quand il attend, là, il y a des grumeaux de sang, qu'il va suer des grumeaux. C'est parce que ça ne laisse pas indifférent. Il n'a jamais, de toute éternité, vécu un moment comme celui qu'il va vivre, c'est-à-dire séparé de son Père, plus en communion pendant 3 heures. Pourquoi? Pour nous. Mais son Père, il faut qu'il soit fidèle. Il a tout misé là. Est-ce que nous, on est prêts à tout miser notre vie, tout ce qu'on aspire, pour rester collés sur le Seigneur puis s'attendre à ses promesses? Fait que si on est déjà disciple de Jésus, ben on a un modèle à imiter pour résister à la lassitude, le découragement, la honte dans l'épreuve. La honte dans l'épreuve, c'est « je suis pas fier de moi ». En fait, je suis tellement pas fier de moi que je pense pas que je suis un enfant de Dieu. Là, t'sais, toutes les accusations que Jésus reçoit à la croix, là, hey, c'est l'agneau parfait, là, sans tache. Tu te fais insulter de tout bord, de tout côté, de toutes les manières possibles, par tout le monde. Comment tu te sens? Ce que Jésus va dire est dans la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Nous, de quoi est-ce qu'on se nourrit? Des nouvelles? Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de journaux. J'ai même pas renouvelé la télévision. Les nouvelles de ce qui se passe dans le monde, tu peux me donner la nouvelle d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe, mais grosso modo, je peux te le dire dans les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui va se passer, ça ne va pas dans la bonne direction. J'ai juste besoin de lire les gros titres de journaux une fois de temps en temps. Fait que quand je vais au restaurant, là, mettons Tim Hortons ou McDo, là, je prends le journal, je lis rapidement les gros titres, là, ça prend environ 30 secondes. Puis après, je vais aller faire mon sudoku, ça dépend s'il est compliqué ou pas. Mais c'est pas que ça ne m'intéresse pas. Je pourrais, prenez des revues, allez à la bibliothèque, sortez les revues, l'actualité de 1980, 1990, 2000, 2010, puis 2019. Lisez-les, là, regardez l'année, là, vous allez voir que c'est la même poutine. Mais ça va de pire en pire. Ça va pas de mieux en mieux. Mais quand on parle aux gens en général, ah, ça va de mieux en mieux, quand ils regardent le monde, hein, là, au Québec, hey, on est rendu bon, on est le modèle de la planète, tu mets des affaires, oui. Le modèle part en bas, là, selon moi, mais bon, en tout cas. Mais c'est parce que c'est pas encourageant. Mais en même temps, ça me décourage pas. Pourquoi ça me décourage pas? Ça doit arriver. La crucifixion de Jésus devait arriver. Tout ce qu'il a vécu devait arriver. Et ce qu'il nous dit, il faut retourner à ce qu'on a lu, parce qu'on arrive à la fin de Matthieu, il faut retourner dans ce qu'on a lu, quand Jésus, le sermon sur la montagne, quand il parle, OK, à qui il parle? C'est les instructions à ses disciples. Qu'est-ce qui avertit les disciples? Ça ne va pas être drôle là, quand je vais partir. Là. C'est ça qu'il leur dit, là. Préparez-vous. Comme je souffre, comme je vais souffrir, vous allez souffrir. Comment va aller la planète? Voici comment va aller la planète. Matthieu 24 le dit, comment va aller la planète. On l'a vu. Est-ce que j'ai-tu quelle heure, quel jour? Non, mais on est juste à regarder ce qui se passe, puis on le sait. Le printemps, là, il fait plus chaud, ça verdit, il y a des bourgeons dans les arbres. Bon, à l'automne, on le voit, là, les feuilles rougissent, elles vont finir par tomber. On voit bien les affaires, tu sais. Quand est-ce que je vais faire mon sirop d'érable? Ça s'en vient, là. Bon, on check la météo. On va savoir, à un moment donné, c'est le temps. OK, bien, on le sait, ça. Alors, pourquoi s'inquiéter de ce qui va arriver? Jésus, ce qui l'intéresse, c'est le modèle qu'on veut suivre, OK, c'est ce que Dieu dit. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Puis nous, ce qu'on entend vient de... OK, il faudrait que je me rappelle, par contre. Je la lis, mais je m'en rappelle-tu? Bon, je suis le premier coupable à ne pas connaître beaucoup de versets par cœur. OK? Mais j'aime la lire. Et moi, j'étais un gars de principe, je ne suis pas un gars de détail. Fait que les principes, là, je me remémore. Quand je lis les Écritures, je vois de plus en plus quand je lis, je vois des affaires que je ne voyais pas avant. Je lis l'Ancien Testament, là, puis je vois le Nouveau Testament. Je lis le Nouveau Testament, je me rappelle des affaires dans l'Ancien Testament. Ne demande-moi pas quelle page, là. Il faut que je retourne fouiller. Mais je sais que c'est là, OK? Mais maintenant, c'est bien le fun, tout ça. Mais si c'est pas dans ma vie, si je l'applique pas, là, ben, ça veut rien dire. Et c'est là notre défi. Jésus est l'application parfaite de la parole de Dieu. Il est la parole vivante. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, chaque pas, chaque affaire, c'est exactement ce que Dieu a dit de lui. Il fait pas autre chose que ça. Bon, nous, mettons qu'on a de la misère, là. Mais est-ce que, comme David qui a péché avec Bathsheba, est-ce que Dieu va quand même déclarer, malgré mes fautes, que je suis un homme? Selon son cœur. Si, est-ce qu'on a de la misère à s'identifier à l'agneau de Dieu? Si c'est mon Seigneur, est-ce que je m'assume en tant qu'enfant de Dieu? Peu importe ce que les autres vont dire. Est-ce que je dépends de lui? Est-ce que j'y demande? Comme Paul, quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? OK, c'est vrai que je connais les versets, c'est vrai que je connais la pensée de Dieu, c'est vrai que dans telle situation, je sais comment je dois me comporter, là, mais quand même, là, je fais quoi? Là? Je dis-tu quelque chose ou je dis rien? Je fais-tu la chose ou je la fais pas? Est-ce que je dépends de lui? Est-ce que je lui confie tous mes fardeaux? Est-ce que je lui fais confiance même si la souffrance demeure? Je vais mourir. Est-ce que je panique, là? Ou je reste calme? En fait, est-ce que je maintiens résolument le regard sur les promesses à venir? Est-ce que j'ai vraiment confiance que Dieu va faire ce qu'il a dit, là? Alors, ce qu'on est appelé à faire, chacun de nous, c'est s'humilier au pied de la croix. Souvent. Accepter le pardon de nos péchés. Faut-tu que je leur dise, là? Accepter le pardon. Non, mais si j'accepte le pardon, lui m'a pardonné, il n'en reparle plus. Moi, pourquoi j'en parle encore? Pourquoi je laisserais les autres m'accabler avec quelque chose que Dieu m'a pardonné? Maintenant, si j'ai tué quelqu'un, il y a des conséquences, là. Si j'ai volé quelqu'un, il y a des conséquences. Maintenant, la culpabilité n'est plus là, mais j'ai quand même quelque chose à réparer. Je peux-tu le réparer, la chose? Autant que je peux, je vais le réparer. Si je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai tué quelqu'un, je ne peux pas le ramener à la vie, mais il y a des conséquences à la mort de cette personne-là. Est-ce que je peux aider à réparer les conséquences de la mort de la personne? J'ai dit du mal à quelqu'un. Est-ce que je peux rétracter mes paroles publiquement? Tu l'as dit à un, va demander, va le dire à un. Tu l'as dit à 10, dis-le devant 10. Tu l'as dit devant une foule. Tu l'as dit au micro, à la radio. Bien, retourne à la radio puis redis-le. Dis le contraire à la radio. Est-ce que je suis capable de faire ces choses-là? Est-ce que je veux être pardonné? Il m'a pardonné. Est-ce que je l'accepte? À chaque fois que je pêche, je vais le voir, je dis justement pardon, Seigneur. Puis lui, il ne se fâche pas. Moi, je peux t'écœurer de demander là, 250 fois par jour, je te demande pardon, Seigneur. Je t'écœurerai de demander pardon. Là. T'sais, un jour, je vais-tu arrêter de le faire? Mais lui, à chaque fois, il me pardonne. Moi, je suis capable de le faire aux autres. Puis comme Jésus, au lieu de regarder les ténèbres autour de moi, est-ce que je peux regarder la lumière en dedans de moi puis me concentrer là-dessus? Bon, si vous avez de la misère, il y a la parole de Dieu, il y a la prière, puis il y a des frères et des sœurs autour de vous, dont certains et certaines ont plus de sagesse que vous, puis vous pouvez les consulter, pas obéir à leurs ordres, les consulter pour savoir ce que Dieu pourrait vous dire au travers de eux, au travers de leur expérience, au travers de ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vécu. Peut-être que ça va vous aider, mais ne marchez pas dans la honte et autres. Marchez comme des enfants de Dieu, regardez en avant, puis souciez-vous pas. Puis je veux pas dire par là, je me fous de la planète, mais ne souciez-vous pas du mépris qu'on vous donne. Concentrez-vous sur l'amour que vous avez reçu. Ça va?